Nous autres humains aimons bien nous raconter des histoires. Nous adorons nous faire peur. Depuis que nous sommes venus à bout de la plupart de nos prédateurs, non humains s'entend, nous en inventons d'autres à travers la fiction ou la science-fiction. Pourtant, pas besoin d'inventer des monstres, des aliens visqueux ou des crevettes géantes à tête de mouche, nos prédateurs sont là, parmi nous. La lutte pour la survie de part et d'autre a été engagée il y a longtemps, on a sorti l'artillerie lourde des deux côtés. Ce soir, nous allons tout savoir sur les victoires et les défaites dans les deux camps, si le wifi de Franck le permet, car c'est Franck qui revêt sa blouse de pharmacien pour nous en parler. Nous sommes le mercredi 7 mars 2012. Bienvenue sur Podcast Science, le balado qui fait aimer la science. C'est l'épisode 76 ou 76. Bonjour, alors c'est le professeur Fun qui a retrouvé le bouton du jingle. Désolé de ce petit couac en entrée. À mes côtés, si tout va bien, Franck qui doit nous présenter son dossier. Franck, t'es avec nous? Ouais, apparemment. Salut tout le monde. Bon, cool, on croise les doigts. T'as des petits soucis de Wi-Fi. Un peu comme à chaque fois que tu présentes un dossier, en fait. Ton Wi-Fi marche très bien le reste du temps. Ouais, c'est une vraie malédiction, je sais pas, c'est... Je suis désolé. Ouais. Avec nous, Hélène, également. Salut Hélène. Bonsoir. Bon, Hélène, toi, tout va bien, pas de problème de Wi-Fi, ça a Oui, l'air ça de... va. Ouais, ça Je suis marche pas du en tonnerre. Wi-Fi, c'est pour ça. Ouais. On a avec nous également Nico, dont on a oublié de dire qu'il a définitivement intégré l'équipe après son dossier sur l'infini. On l'a accueilli à bras ouverts. Nico fait désormais partie de la bande. Salut Nico. Salut. Alors, on a perdu Nico. Non, C'est je un suis jour là. comme ça. Ok, super. Et puis on a également Marco, donc une équipe au grand complet. Salut Marco. Salut Alan, salut à tout le monde. Puis ben, quel plaisir de te retrouver Alan après la dernière émission en ton absence. J'étais tout ému en vous écoutant. J'ai réussi à m'extraire de la soirée de boîte où je me trouvais dans un bar un peu bruyant à Zurich. J'avais embarqué un vieux téléphone Android pour pouvoir vous écouter en live si je trouvais du Wi-Fi. Puis je vous ai chopé par bribes comme ça. J'étais tout ému. Ton dossier était nickel, c'était super. Ça Merci. m'a beaucoup Mais, plu. ah donc, quand tu ne fais pas du podcast science, tu vas en boîte, c'est ça alors? Ouais, c'est ça. C'est un bar un peu branchouille suisse-allemand avec de la musique très forte. Pas mal d'alcool aussi parce qu'il y avait du slam en suisse-allemand. C'est une expérience à faire une fois dans sa vie. Je sais pas si vous en aurez l'occasion. Ouais, ça doit pas être facile. Mais enfin, c'était très sympa. Et puis voilà, je me suis un peu isolé à un moment pour vous écouter. C'était vraiment très cool aussi. Vous en êtes bien sorti. En plus, je me sens un peu moins indispensable. Du coup, ouais, je sens que je vais prendre des vacances. C'est cool. Oh non, Non, je pense t'es pas, non. indispensable, attention, faut pas que tu partes. Oh, vous êtes dur. Bon, bref, on est là ce soir pour parler de nos prédateurs, les prédateurs qui sont partout autour de nous. Franck, tu peux nous en dire un peu plus? Ils s'appellent comment ces prédateurs? Alors, comment on les appelle? On les appelle virus, bactéries, champignons, parasites. Ça, c'est la liste de nos prédateurs. Je sais pas si vous aviez fait si vous en aviez fait la liste avant, mais en fait, on peut la faire, c'est celle-ci. Il n'y a que ces quatre types d'espèces vivantes qui peuvent nous encore visiter ou prédater, entre guillemets. C'est à peu près la même chose. Bien sûr, de temps en temps, il y a un requin qui va bouffer un surfeur, mais ça reste anecdotique, on va dire. Et on peut aussi parler des prions, mais les prions, c'est pas vraiment une espèce vivante en fait, hein. Les prions, c'est juste des protéines. Et enfin, la question de savoir si les sont des espèces vivantes, bon, évidemment, il y en a qui ne les répertorieraient pas dans la catégorie des espèces vivantes, mais c'est pas la question d'aujourd'hui, en fait, on va considérer. Donc, voici nos prédateurs, virus, bactéries, champignons, parasites. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que avec le Wi-Fi, je suis pas sûr. Il y a quelques petites coupures, mais jusque-là, c'est supportable. Ça va, il n'y a Oui, pas de c'est problème. supportable, ouais. C'est supportable. Ok, super. Donc chacune de ces caractéristiques, de ces catégories, possède des caractéristiques bien différentes qui influent sur les moyens qu'on a pour se défendre contre elles. En première ligne, notre première arme, bien sûr, c'est notre système immunitaire. Ce système hyper complexe a beaucoup évolué depuis les origines de la vie pour s'adapter à toute forme d'intrusion hostile dans notre organisme. On pourrait faire tout un dossier sur le système immunitaire, c'est un sujet vraiment passionnant parce que c'est un système vraiment complexe, mais aujourd'hui, je vais plutôt vous parler des moyens dont on dispose pour pallier à cette insuffisance du système immunitaire. Mais avant, je vais vous présenter rapidement donc les prédateurs contre lesquels on doit se défendre. Alors premièrement, il y a les virus. Alors les virus, ce sont des germes atopiques, en fait, de composition vraiment minimaliste. Les seuls éléments qu'on retrouve dans tous les virus, et parfois on ne retrouve que ceux-là, sont 1. Une enveloppe, 2. Un génome. C'est vraiment minimaliste, non ? Leur information génétique, elle est réduite pareillement. En fait, pour le virus de l'hépatite B, qui infecte 300 millions de personnes sur la planète, son génome, il tient en 3200 bases, c'est-à-dire 3200 caractères. On pourrait le faire tenir sur papier. Le secret de cette simplicité est que pour tout ce qui manque au virus, comme par exemple les enzymes qui lui permettent de catalyser ses réactions chimiques, ses constituants ou des récepteurs qui permettent d'interagir avec l'environnement et d'y capter des nutriments par exemple, les virus ils utilisent le matériel de la cellule qu'ils infectent. Ils s'occupent plus de rien en fait, ils se servent sur place. Et donc ça, en fait cette caractéristique-là, elle rend également le virus très difficile à atteindre. En effet, nos médicaments pour être actifs sur les virus, parce que c'est des médicaments qu'il est question aujourd'hui en fait, donc nos médicaments, pour être actifs, ils ont besoin de cibles. Et lorsque l'adversaire, entre guillemets, possède des enzymes ou des récepteurs, on peut fabriquer des molécules qui vont s'y accrocher pour les bloquer et engendrer des dégâts. Mais dans le cas des virus, on a très peu de cibles. Le virus utilise les infrastructures de la cellule pour proliférer. Et donc si on les cible, on attaque nos propres cellules. Voilà pourquoi on a très peu de médicaments contre les virus. Comment ? C'est pas forcément une bonne idée d'attaquer nos propres cellules, effectivement. Ok, donc ça c'est pour les virus. Pour les virus, ouais. Mais juste un petit écart sur le Tamiflu, je crois que vous connaissez tous ce médicament, c'est le médicament contre la grippe dont on parlait beaucoup aux périodes épidémiques. Ah, pardon. Ouais, un petit écart sur le Tamiflu, donc le médicament antigrippal, je pense que beaucoup de gens le connaissent. Ouais. Pour vous expliquer, en fait, les virus, ils ont très peu de matériel. Je disais, ils rajoutent quelques babioles qui leur sont bien utiles et qu'on peut cibler pour les détruire. Par exemple, dans le cas du virus de la grippe, ce virus-là possède une neuraminase. C'est le N de H5N1, par exemple. Cette neuraminidase, elle lui sert à faire le... Attends, c'est dur à prononcer en plus. Neuraminidase, d'accord. Voilà. Donc cette neuraminidase lui sert à faire le ménage quand il veut sortir de la cellule qu'il a infectée en détruisant les molécules qui entourent la cellule. Alors le Tamiflu, c'est un inhibiteur de cette neuraminidase et donc il empêche le virus de sortir de la cellule. Okay. Voilà. Et donc au total, finalement, on a une molécule pour lutter contre le virus de la grippe. Et sinon, c'est tout, on a rien d'autre. Tout ça, c'est pour vous expliquer pourquoi on a du... Ils ont peu d'éléments caractéristiques qu'on peut attaquer car elles utilisent le matériel de nos propres cellules qu'on ne peut pas attaquer. Donc voilà pour les virus. Maintenant, je vous ai dit dans la liste, il y avait virus, bactéries, champignons, parasites. Donc pour les champignons, pour les parasites, je vais vous en parler un peu rapidement maintenant et on va s'attarder ensuite plus sur les bactéries. D'accord. Donc les champignons, en fait, ce sont des prédateurs de l'homme dans des rares circonstances. Dans les cas sévères d'immunodépression, par exemple en cas de chimiothérapie très agressive ou de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine, la circulation sanguine peut se voir gagnée par des champignons microscopiques qui vont se propager donc initialement dans la bouche par exemple, dans le vagin pour les femmes ou dans les oreilles même, on parle d'otomycose, et à partir de là ces champignons vont pouvoir gagner la circulation. Ils ont juste besoin d'humidité et de matière organique pour se développer. C'est des champignons en fait comme ceux qu'il y a dans nos caves ou dans les forêts. C'est assez incroyable d'y penser, mais ils poussent, ils font des filaments dans les oreilles, comme s'ils étaient dans la forêt, quoi. Et enfin, donc, les parasites. Donc, les parasites, quant à eux, c'est des animaux, comme nous. Ils peuvent être très gros. Les vers, quand on a le ténia, le ver peut faire plusieurs mètres. Souvent, donc, ce sont des vers avec des formes pluricellulaires, mais il y a aussi des formes unicellulaires, c'est-à-dire des animaux unicellulaires, comme par exemple le paludisme. Le paludisme, c'est pas une bactérie, c'est pas un virus, c'est un animal. Ah ouais ? Mais c'est un unicellulaire qui est appelé plasmodie en fait. D'accord. Voilà. Donc je montrerai pour les parasitoses, on peut souvent montrer des choses très très très très très très sales quoi. Les vers d'intestin, c'est vraiment pas joli à voir et il y a beaucoup de choses qu'on ignore en fait. Ou alors je mettrai aussi sur le dossier une photo de poux. Enfin bon, les parasitoses, c'est vraiment des choses dégueulasses. Donc voilà. Alors maintenant, je vais rapidement sur le virus de la grippe. En fait, le virus de la grippe, il est surtout dangereux par l'infection qu'il va apporter en nous infectant. En fait, le virus en lui-même, il n'est pas du tout dangereux. Pour mesurer cette dangerosité, on parle d'effet cytogène. En fait, le virus de la grippe, cytopathogène, ça veut dire qu'il fait pas de mal à nos cellules. Le virus de la grippe, il fait mal à nos cellules, il n'est pas cytopathogène. C'est le cas aussi du cytomégalovirus. Mais en fait, le problème, c'est que le virus de la grippe, quand on va l'attraper, il va habiliser notre défense immunitaire. Même s'il ne fait pas de mal à nos cellules, il va nous déstabiliser. Et là, il va y avoir un effet dramatique parce qu'il y a tout un tas d'indésirables qui n'attendent qu'une chose pour qu'on leur laisse une fenêtre de tir, c'est les bactéries. Donc maintenant, je vais vous parler des bactéries. Alors, Juste une une petite rectification, vas-y Hélène. Ouais, y a Oui. Topo qui dit que non, les animaux unicellulaires, ça n'existe pas. Mais bon, après, Ah, j'ai dit le une bêtise maître a alors. parlé, il faudrait adapter ton Ouais, dossier, Franck. c'est les nouvelles, enfin, c'est les Oui, classifications, faut que je revoie. Mais alors, ça s'appelle pas une animaux? Ok, Bah, d'accord. Pierre, on attend la D'accord. suite. Voilà. Parasite, ouais, non, Parasite, nous il dit-il. Bah, en fait, ils sont dans la classe. C'est des protozoaires. Non, c'est des. Ah, zut. Oui, enfin bon, je fais confiance à Ouais, Topo tu et peux faire le confiance nom à reviendra plus Topo. tard. Fais confiance. Ça marche. Ok, ça marche. Donc, Donc on tu va vas nous revenir sur parler les des bactéries. bactéries. Ok. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, alors, moi, les bactéries, je vais dire. À chaque fois que je dis ça, je me fais engueuler. J'ai envie de dire, elles sont relativement primitives. Mais quand je dis ça, ça veut dire qu'elles existent depuis longtemps, en fait. Parce que ça Attends, veut dire qu'elles ont attention, je continué sors à la grosse évoluer. règle là. Ouais, t'as Topo dans la chatroom et t'oses dire un truc pareil. Et alors là, c'est fou. En fait, par primitive, je veux dire qu'elles Voilà, existent il a depuis longtemps. réagi. Arg, Voilà, nous dit-il. qui donnent le plus de mal. D'accord, c'est celles qui ont eu le plus de chances d'évoluer, de s'adapter, de trouver des Exactement. stratégies. Exactement. Ok. Exactement. Bon, si c'est ça que Alors, vous t'entends le par savez sûrement primitive. déjà. Bah, écoutez, on va peut-être en reparler plus tard, mais en fait, je sais bien qu'elles sont pas primitives, mais disons que c'est simple, simpliste, comme disait Hélène. Mais Elles sont enfin encore bref. moins primitives que vous, cher monsieur. Bon, Bon, je peux continuer allons-y, là vas-y. ou vous allez pas Ouais, me laisser? ouais. T'étais prévenu pour ça. Alors, On va pourrir ton vous le dossier rien savez que pour sûrement de. ça. Je peux pas continuer, Alan. Je peux pas continuer, il m'empêche. Ouais, c'est comme ça, faut faire attention à ce que tu dis. Non, bon, écoute, vas-y, on t'écoute. Ah bon. Alors, vous le savez sûrement déjà, notre bouche, notre nez, notre gorge contiennent une quantité énorme de bactéries. Certaines, la plupart, sont inoffensives et d'autres le sont beaucoup moins. Tout ce petit monde cohabite gentiment avec l'aimable tolérance de l'hôte, à savoir nous. On appelle ça la flore commune. Pourquoi est-ce que notre organisme tolère tout ce petit monde qui squatte? D'abord parce que ça serait vraiment fatigant de faire le ménage et de virer toutes les bactéries qui arrivent. Ça serait peut-être possible, comme dans le cas de l'œil, par exemple, là où l'œil il est quasiment stérile, en envoyant des larmes, enfin le liquide lacrymal est stérile, et puis on balaye avec la. On ferme les paupières fréquemment, ça permet de maintenir la surface de l'œil relativement. Mais c'est quand même un dispositif assez complexe. C'est pas possible de faire ça, par exemple, avec la bouche, où c'est la bouche et le haut de la gorge, c'est bourré de bactéries, le nez est bourré de bactéries, et les intestins sont bourrés de bactéries, et même elles sont devenues indispensables, en fait, dans tous ces endroits. L'appareil respiratoire, c'est pareil. Donc avec les 10 000 litres d'air qu'on respire chaque jour, on chope également des tonnes de bactéries en suspension. Mais là, on fait un petit peu plus gaffe quand même. Si notre gorge sont pleines de bactéries, à partir du larynx, c'est l'organe qui fait la jonction entre la trachée d'un côté qui va vers les poumons et le système digestif de l'autre côté, plus on descend dans les bronches, moins il y a de bactéries. Et quand on descend vraiment dans les plus petits ions des bronches, ce qu'on appelle les bronchioles, au fin fond de nos poumons, il n'y a plus aucune bactérie. C'est un quartier de très haute sécurité, il n'y a plus aucun intrus. Donc la raison à ça, c'est que l'épithélium, alors en fait l'épithélium c'est le nom savant pour nommer une surface extérieure, le contraire c'est l'endothélium, alors l'épithélium c'est par exemple la surface de l'intestin, alors que l'endothélium c'est la surface des vaisseaux. Le vaisseau c'est à l'intérieur, l'intestin c'est vers l'extérieur. La peau est un épithélium aussi. Donc l'épithélium respiratoire, donc la surface des poumons, est bourré de petits pièges gentils à bactéries, avec par exemple des cils, du mucus collant, des anticorps ou des enzymes de destruction. De défense, les macrophages, ils sont au fin fond des alvéoles pulmonaires et ils attendent les bactéries qui auraient résisté à tous les pièges d'avant. Donc, tous ces systèmes, ils vont être désorganisés quand il va y avoir un virus, comme le virus de la grippe, par exemple, qui va infecter les cellules de l'épithélium respiratoire. Donc, les bactéries vont pouvoir descendre, elles vont se faire de plus en plus envahissantes, et elles vont descendre vers les bronches. Et alors, une bronchite. Parce que les bronches vont se défendre, vont s'enflammer, vont avoir une réaction inflammatoire pour se défendre contre l'arrivée des bactéries. La bronchite, en soi, elle n'est pas trop grave. Car les bactéries ne franchissent l'épithélium et restent cantonnées à la surface intérieure des poumons. Mais là, il peut se passer quelque chose de plus grave. Si, par exemple, parmi elles se cache une bactérie virulente, ce qu'on appelle une bactérie virulente, c'est-à-dire une bactérie méchante, en fait, pour simplifier, celle-ci va être capable, par différents moyens, qu'on va facteur de virulence, de franchir ce qu'on appelle la barrière épithéliale. Donc la bactérie virulente va franchir la barrière épithéliale et va aller coloniser librement toutes les cellules à l'intérieur du poumon, dont les cellules des vaisseaux sanguins. Ce qui veut dire qu'elle va pouvoir se disséminer dans tout l'organisme par la voie sanguine. Lorsque la bactérie franchit la barrière épithéliale, et autant vous dire que dans ces cas-là, l'heure n'est pas à la rigolade. Donc, tu peux répéter lorsque la bactérie franchit la... La barrière épithéliale. D'accord, ok. Ça va, je suis pas trop coupé? Si, un peu quand même. Mais on essaie de continuer. Si on m'entend pas... Vas-y, on t'entend. Mais donc, rassurez-vous... Enfin, on t'entendait jusque-là. Ouais. On t'entendait. La cavalerie réplique. La cavalerie réplique, dis-tu. Oui, la cavalerie réplique. Okay. Le son aussi réplique. On dirait, ouais. Vas-y, surfe sur la cavalerie, vas-y un bout. Ouais, bon. Donc, à ce moment, au stade où on en est, il va faire rapidement le diagnostic d'une grippe. Facilement. Et si vous êtes une personne pas trop fragile, c'est-à-dire un nourrisson, pas un nourrisson, une personne âgée, il va vous prescrire quelques amuse-bouches, comme du paracétamol ou un sirop pour la toux. Et il vous dira de vous. Quelles questions se sera-t-il posé à l'intérieur? Il se demandera, y a-t-il bronchite ou pneumonie? La différence est majeure, car si les bactéries ont franchi le Rubicon de la barrière épithéliale, il faut intervenir tendre et dégainer les antibiotiques. Ça va à peu près? Écoute, c'est tellement assuré que c'est difficile à suivre. Donc, si la barrière épithéliale est franchie, il faut dégainer les antibiotiques. Dégainer les antibiotiques. Là, on s'amuse avec du paracétamol, ouais. Tout va bien. Ok. D'accord. Exactement. Voilà. Peut-être qu'on peut passer sur téléphone, si c'est mauvais. Alors, on peut essayer, ouais. Parce qu'au début, ça allait à peu près, mais là, c'est vrai qu'il y a eu un petit enchaînement de coupure commence à être un peu inaudible. Mmh. Alors, bon, on va essayer de t'appeler par téléphone, voir ce que ça donne. Ah oui. Cool. Si on arrive à éviter ces coupures, parce que c'est vrai que c'est un peu pénible. Alors, est-ce Allô que t'es... Oui, ouais. Magnifique. Moi, je vous entends, en tout cas. Ok, parfait. Alors, on va couper ton micro. On se croirait à une émission radio, là, avec un appel à auditeur. Voilà. Quel est le montant de la cagnotte? De quelle couleur est le schmilblick? Ok, Ah, j'ai juste coupé le mauvais micro, c'est malin. Bon, Franck, t'es toujours avec nous? Ouais, je suis avec vous. J'ai coupé mon micro de façon de mon côté. Hein. Ok, c'est parfait. On a coupé en même temps, sauf que j'ai coupé ton téléphone, en fait, à la place de te laisser couper ton micro. Bien, bon, donc on t'écoute. Donc je continue, on était au moment où il faut dégainer les antibiotiques parce que les bactéries ont franchi la barrière épithéliale. Donc on va parler un petit peu des antibiotiques. Alors les antibiotiques, ils ont fait de nombreuses apparitions précoces dans l'histoire de la médecine, mais leur utilisation massive, en fait, est très récente. Elle date de moins d'un siècle. C'est à Fleming qu'on la doit, c'est un scientifique écossais, Et même s'il y a eu, il y a eu des précurseurs, c'est à lui que l'histoire a attribué la paternité de la découverte du premier d'entre eux, des antibiotiques, la pénicilline. Alors pour la petite histoire, cette découverte s'est faite par hasard en 1928. Fleming est parti en vacances et en revenant, il a remarqué que ces cultures bactériennes dans des petites boîtes à pétri, boîtes de pétri, avaient été contaminées par un champignon du genre Penicillium. D'abord, il s'est mis en colère parce que ces cultures étaient foutues en l'air, et ensuite il a remarqué que les champignons avaient empêché la croissance des bactéries juste à leurs alentours. Il a ensuite analysé le contenu de ces cultures et il a isolé un composé qui permettait d'empêcher à certaines bactéries de se multiplier. Quelques années plus tard, plus de 10 ans d'ailleurs, le premier antibiotique sortait. J'ai bien résumé l'histoire. En fait, c'est une histoire très très complexe parce qu'il y a une rivalité entre les Américains qui ont développé les premières pénicillines et les Anglais donc Fleming était écossais. Mais ils travaillaient en Angleterre, donc les Américains et les Anglais étaient un peu en concurrence pour sortir ces molécules. Et c'est une histoire assez marrante, et finalement, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale que les premières pénicillines sont sorties. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pénicilline et comment fonctionne-t-elle? En fait, les bactéries sont des organismes qui ressemblent beaucoup à chacune de nos cellules. Mais la principale différence entre les bactéries et nos cellules, c'est qu'elles ne possèdent pas de noyau, alors que nos cellules possèdent quasiment toutes un noyau. On dit que les bactéries sont des prokaryotes, alors que nos cellules, donc nous, sommes des eucaryotes. Donc prokaryotes, eucaryotes. C'est une distinction qui est fondamentale dans le monde du vivant, les prokaryotes et les eucaryotes. Une autre différence qui est importante entre les bactéries et nos cellules à nous, c'est que les premières, donc les bactéries, ont une membrane beaucoup plus épaisse que celle de nos cellules. Les bactéries, en fait, ce sont des êtres unicellulaires qui sont confrontés à un milieu extérieur parfois hostile et changeant, et donc pour se faire une image, ils ont besoin d'un gros gros manteau en comparaison à nos cellules qui sont toujours à température constante, à milieu constant, etc. Donc elles n'ont pas besoin d'un gros manteau comme les bactéries. D'ailleurs, pour les bactéries, on appelle leur membrane, on l'appelle la paroi bactérienne, alors que pour nos cellules, on parle de membrane plasmique. Mais alors la construction de cette membrane, de la paroi, pardon, la construction de cette paroi pour les bactéries est assez complexe. Parce qu'en fait, cette paroi est constituée d'énormes molécules très très longues, très très grosses, qui sont des polymères en fait. Les polymères, ce sont des répétitions de plein de petites molécules identiques attachées les unes aux autres. Donc ces polymères très très gros qui forment leur paroi, ils peuvent pas sortir de leur première membrane cellulaire. Parce que les bactéries, en fait, elles ont une petite membrane comme la nôtre et la grosse membrane extérieure. Donc les grosses molécules de la paroi ne peuvent pas sortir par la première membrane. Donc, la solution trouvée par la bactérie pour faire sortir ces énormes molécules, c'est de faire sortir en premier toutes seules les monomères, donc les petites briques qu'on va mettre l'une à côté de l'autre pour former les polymères. Elles les font sortir une par une séparément. Elles font sortir ensuite les enzymes séparément aussi. Donc tout ça passe par la première membrane. Et à l'extérieur, elle assemble sa paroi, à l'extérieur d'elle-même en fait. Si on veut une image pour comparer, c'est un petit peu comme les bateaux en maquette qu'on construit dans les bouteilles. On introduit d'abord les pièces et après on monte la maquette à l'intérieur de la bouteille. Ou c'est comme la station spatiale internationale, qu'on assemble déjà en orbite en fait. On ne pourrait pas envoyer tout d'un coup, ça serait trop lourd et trop gros. Donc voilà, pour la fabrication des bactéries. La bactérie fait sortir les petites briques d'une part, les enzymes d'autre part, pour construire sa paroi, et elle le fait à l'extérieur. Je vous passe le nom des composants de la paroi, il n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, les protéines, les enzymes qui sont chargées d'assembler les briques de la paroi, elles s'appellent les protéines liant la pénicilline. Protéines liant la pénicilline ou PLP. Voilà, donc vous l'avez compris, la pénicilline, elle va se lier à ces enzymes et elle va empêcher leur fonctionnement. La bactérie va être incapable de synthétiser sa propre paroi et de l'entretenir, ce qui est indispensable à sa survie. La pénicilline a donc un effet bactéricide, elle va tuer les bactéries avec lesquelles elle va être mise en contact. D'accord, systématiquement en les empêchant de construire cette paroi, donc en se liant aux enzymes PLP, c'est comme ça que ça marche. Voilà, exactement. D'accord. Mais les pénicillines ne tuent pas toutes les bactéries. Loin de là même. Est-ce que vous vous souvenez de la manière dont on les a découvertes? En fait, les pénicillines étaient présentes dans le milieu du culture de Dr. Fleming, contaminé par le champignon du genre Penicillium. En fait, les pénicillines sont synthétisées par les champignons dans le but d'empêcher les bactéries de venir digérer leurs nutriments. Parce qu'en fait, les champignons et les bactéries, ils occupent la même niche écologique, la fermentation des sucres. Ils mangent la même chose. Les champignons et les bactéries sont en guerre pour les sucres depuis, disons, des millions d'années, pour être gentil. Et les pénicillines sont l'arme développée par les champignons pour renvoyer les bactéries dans les abîmes insondables d'où elles proviennent. À noter qu'on aurait apprécié que les bactéries aient également la gentillesse de nous synthétiser des molécules anti-champignons. Les champignons nous fabriquent des pénicillines contre les bactéries, on aurait aimé que les bactéries fassent la même chose pour les champignons. Ouais, ça aurait mais été sympa, elles l'ont pas fait. Pourquoi ? Ça aurait été pas mal, mais elles l'ont pas fait. Et d'ailleurs, ironiquement, la plupart des composés antifongiques, donc anti-champignons qu'on a, sont synthétisés en fait par d'autres champignons qui s'en mettent plein la poire, entre eux. Donc voilà. Enfin, tout ça pour dire que si les bactéries n'ont pas la civilité de nous avoir préparé des composés antifongiques au fil de l'évolution, elles ont même trouvé des moyens de résister aux pénicillines, ce qui ne nous arrange pas du tout. Et force est de reconnaître que le contraire aurait été étonnant, puisqu'elles y sont confrontées depuis très très longtemps. Donc, les pénicillines ne sont pas actives sur toutes les bactéries. Alors là, par exemple, la première pénicilline qu'on a commercialisée, la pénicilline G, ou benzylpénicilline, qui est encore commercialisée aujourd'hui, elle a un spectre d'action, ce qu'on appelle un spectre d'action limité à certaines bactéries. Alors, comment les bactéries font pour échapper à cette pénicilline ? La paroi des bactéries est un tout petit peu plus complexe que celle que je vous ai décrite tout à l'heure, à savoir une membrane comme celle de nos cellules, puis une grosse paroi épaisse. Donc cette paroi épaisse s'appelle le protéoglycane. En fait, je vais vous dire son nom, ce sera plus simple. Donc les bactéries qui ont cette structure, membrane plasmique plus protéoglycane très épais, sont dites gramme plus. Là, s'il y a quelque chose à retenir dans ce dossier, c'est cette appellation gramme plus, gramme moins. C'est fondamental en bactériologie. C'est comme la différence entre les plantes et les animaux. C'est presque aussi important. Il y a gramme plus d'un côté, gramme moins de l'autre côté. Donc on appelle gramme parce que c'est le nom du chercheur qui a mis au point les méthodes pour révéler cette différence entre les bactéries. Donc les grammes plus d'un côté ont une membrane et une paroi épaisse, comme je vous ai expliqué. Mais les grammes moins, par contre, c'est différent. Elles ont une architecture plus complexe, à savoir la membrane plasmique, donc fine comme la nôtre, le protéoglycane épais, comme pour les autres bactéries, enfin un peu plus fin, mais c'est sans importance, et une troisième couche qui ressemble à la première, une autre membrane qu'on appelle membrane externe. Donc elles ont trois couches, en fait. Y a des bactéries qui sont en fait ni gramme plus ni gramme moins, qui sont un peu plus rares, c'est comme par exemple le bacille de Koch, qui est responsable de la tuberculose. Lui, il a une paroi beaucoup plus épaisse que tout le monde, c'est un vrai tank en fait, mais je m'égare, on va pas parler de ça, on va rester sur les bactéries classiques. Donc la pénicilline G agit en bloquant les enzymes de synthèse du protéoglycane. Donc ça, vous vous en souvenez, c'est ce que je viens de vous expliquer. A priori, elle devrait agir sur les grammes plus et les grammes moins, puisque les deux catégories ont cette couche de protéoglycane épais, elles l'ont toutes les deux. En fait, c'est pas ça. Les bactéries gram négatives, elles sont résistantes naturellement aux pénicillines. Pourquoi ? Enfin, à la pénicilline G. Pourquoi ? Parce que la raison est toute simple, c'est parce que la troisième couche, la membrane externe dont disposent les grammes moins, bloque l'accès de la pénicilline G au protéoglycane. Donc, c'est un gros avantage pour les grammes moins, elles sont protégées contre la pénicilline G. Mais en fait, cet avantage des bactéries grammes moins, les grammes plus l'ont aussi de pouvoir se défendre contre les pénicillines. Les pénicillines, en fait, il faut savoir que ce sont des molécules qui ne sont pas stables du tout. C'est là leur moindre défaut. Ce sont des composés chimiques un peu improbables, avec notamment un cycle à quatre côtés, un carré, en fait, dans leur structure. Donc là, un petit aparté pour vous expliquer ce que je viens de dire. Est-ce que vous savez ce que c'est une structure cyclique en chimie ? Une structure cyclique ? Ouais. Je vais être le premier à avouer mon ignorance crasse, j'en ai pas la moindre idée. Ok, donc c'est une structure qui fait un cercle ? Oui, c'est ça en fait, c'est des atomes qui vont... Donc les molécules, c'est un assemblage d'atomes. Et quand on a plusieurs atomes qui sont reliés, ils peuvent se relier soit de manière linéaire, soit ils vont former un cycle. C'est-à-dire que c'est comme des enfants qui se donnent la main en faisant la ronde. Et en fait, ces structures cycliques, elles sont très fréquentes en chimie. Mais à partir d'un certain nombre de sommets, elles sont stables et en dessous, elles sont instables. Donc, quand il y a 5 sommets ou plus, c'est très stable. En revanche, en dessous, c'est un peu instable. Et la raison à ça, une raison simple, c'est qu'en fait, quand le nombre de sommets diminue, l'angle entre les côtés diminue. Donc, et en fait, les côtés, c'est les électrons. Donc ça veut dire que les électrons qui relient les atomes vont se rapprocher les uns des autres, et en fait, ça déstabilise le cycle. Donc en fait, les pénicillines, elles possèdent un cycle à quatre côtés. Ce cycle, on l'appelle bêta-lactame. C'est pour ça qu'on dit que les pénicillines sont des bêta-lactamines. Et donc, ce cycle est très instable. Donc les bactéries gram plus, qui n'ont pas leur membrane externe, de membrane externe pour être protégées contre les pénicillines, ont trouvé une parade grâce à cette propriété, cette fragilité des bêta-lactamines. Elles synthétisent une enzyme qui permet de détruire les pénicillines. Wow. C'est très facile puisque le cycle est très fragile. Donc cette enzyme s'appelle une bêta-lactamase. Et en la sécrétant autour d'elle, la bactérie détruit toute forme de pénicilline G qui oserait s'approcher. Donc, à ce moment-là, c'était à peu près l'état des lieux quand on est arrivé dans la bataille entre bactéries et entre champignons et bactéries. La plupart des bactéries gram plus, par contre, ne possédaient pas de bêta-lactamase, en fait. Car fabriquer une enzyme coûte de l'énergie à la bactérie, et finalement, il y a plein d'endroits où on n'est pas embêté avec ces histoires de pénicilline. Donc, l'homme s'est intéressé, enfin, les scientifiques, après avoir compris comment fonctionnaient les pénicillines, ils ont découvert comment les bactéries avaient trouvé les moyens de se prémunir contre elles, avec les bêta-lactamases ou les problèmes de la membrane externe chez les grammes moins. Et là, les chimistes ont commencé à réfléchir et à mettre leurs petits grains de sel. Les chimistes, en fait, ont cherché à synthétiser une molécule qui résistait aux bêta-lactamases, et ils ont retrouvé assez rapidement une molécule qu'on a appelée la méticilline. Comment est-ce qu'ils ont fait pour résister aux bêta-lactamases? En fait, c'est tout simple. Ils ont rajouté une chaîne très très longue et très encombrante à la pénicilline G originelle. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la première qu'on a sortie. Donc, ils ont rajouté une très grande chaîne d'atomes à cette pénicilline. Et en fait, cette chaîne, elle va bloquer l'accès de la bêta-lactamase des bactéries à la pénicilline. Et la bêta-lactamase perd son efficacité, tandis que la pénicilline, en l'occurrence, la retrouve. C'est comme, moi ça me faisait penser quand on mettait du chewing-gum dans la serrure de la salle où on allait avoir un contrôle de maths. En fait, c'est pas tout à fait pareil, il aurait fallu qu'on puisse coller le chewing-gum sur la clé, et après, donc, la clé pouvait plus rentrer dans la serrure. La clé, c'est la pénicilline, la serrure, c'est la bêta-lactamase. Donc, c'est un petit peu ce qu'ont fait les scientifiques pour bloquer l'accès des pénicillines aux bêta-lactamases. Ils ont changé la pénicilline, et ça a formé la méticilline. Donc l'homme venait de faire son entrée dans la bataille, c'était en 1959, avec la découverte de la méticilline. Toutes les molécules qui ont suivi, qui dérivaient de cette méticilline, on les a appelées les pénicillines M. Donc M comme méticilline. Aujourd'hui, on les utilise encore, c'est par exemple l'oxacilline, mais c'est pas très répandu, et on va voir pourquoi. Donc une autre des améliorations que l'homme a apportées à la pénicilline, c'est la faculté de s'attaquer aux bactéries gram-, qui sont protégées, on l'a vu tout à l'heure, elles sont protégées par leur membrane externe. En fait, cette membrane externe, elle est porée, elle a des pores à de nombreux endroits pour laisser passer l'eau et les nutriments dont elle a besoin pour survivre. En 1961, les chimistes ont réussi à faire une nouvelle pénicilline dont la caractéristique était qu'elle pouvait passer par ces petits pores de la membrane externe des bactéries gram-, et qu'une fois qu'elle était passée par ces petits pores, elle pouvait bloquer la synthèse du protéoglycane des bactéries gram-. Donc la molécule s'appelait l'ampicilline et c'était le chef de file des pénicillines A. Donc je pense que vous connaissez tous l'amoxicilline. En fait, c'est le médicament s'appelle le clamoxyl. Ben, l'amoxicilline, c'est la petite filiote de l'ampicilline, la première des pénicillines A, en fait. Vous connaissez le clamoxyl? Oui, bien sûr. Hein. Moi, je t'avouerai que non. Ça m'a jamais appris? C'est jamais malade. Je prends très rarement de médicaments. Non, ouais. C'est vrai, en plus, je suis jamais malade. Voilà. Ok, bon, c'est un antibiotique qui est relativement connu, enfin répandu quoi. Donc, avec la méticilline, chef de file des pénicillines M, qui pouvait s'attaquer à toutes les bactéries gram plus, même ceux qui ont une bêta-lactamase, et l'ampicilline, chef de file des pénicillines A, qui pouvait s'attaquer aux bactéries gram négatives, on semblait être en mesure de neutraliser n'importe quelle bactérie. Ouais. Et en fait, rapidement, évidemment, on a déchanté. Alors, il y a une bactérie qui s'appelle Staphylococcus aureus, qui est une bactérie gram-positive, qui produisait une bêta-lactamase, donc, qui devait être sensible à la méticilline résistante aux bêta-lactamases. Donc, au début, ça marchait, elle était sensible, et on l'a tuée à la méticilline. Mais rapidement, en fait, à peine 2 ans après la découverte de la méticilline, on a découvert des Staphylococcus aureus résistants à la méticilline. Tout le monde était étonné de la rapidité avec laquelle cette résistance s'était développée, et donc on lui a donné ce petit nom de star, Staphylococcus aureus résistant à la méticilline, ou SARM, S-A-R-M. C'est un peu une star chez les bactéries, un genre de Vercingétorix en fait, c'est une bactérie très résistante et très, très célèbre. En fait, tout simplement, Le mécanisme qu'elle a trouvé, c'est qu'elle modifiait ses PLP, donc les enzymes de fabrication de la paroi, elle les modifiait tout simplement, et du coup, les pénicillines ne peuvent plus s'accrocher dessus. Donc c'est assez imparable comme technique. Et de même, les bactéries gram-négatives, on s'est aperçu qu'elles aussi, en plus d'avoir leur membrane protectrice, elles avaient des bêta-lactamases. Donc les pénicillines A, qui arrivaient à passer par la membrane, elles se faisaient détruire en arrivant dans la paroi épaisse, elles se faisaient détruire par les bêta-lactamases, parce qu'elles n'avaient pas une grosse chaîne encombrante comme les pénicillines M qui les protégeait. Et on ne peut pas rajouter de grosses chaînes encombrantes aux pénicillines A, parce que si on leur rajoute une grosse chaîne, elles ne passent plus par les pores de la membrane externe. Donc là, le problème se complique. Dans tous les cas, on était coincé pour les PLP qui changent, du Staphylococcus aureus, on ne pouvait rien faire. Mais par contre, on a trouvé une solution pour les bêta-lactamases des grammes négatifs. Je ne sais pas si vous me suivez, là, c'est peut-être un petit peu trop... Il y a trop de nouveautés. Vous arrivez à suivre. Non, pour moi ça va. Si on résume un tout petit peu, donc on a les pénicillines M qui s'attaquaient au gramme plus, les pénicillines A qui s'attaquaient au gramme moins. Le Staphylococcus aureus a réussi à développer une résistance. Voilà, exactement. Résistance à la méticilline. Et de même, les grammes moins ont aussi, on s'est aperçu qu'ils résistaient aussi donc aux pénicillines A, parce qu'ils produisaient aussi une bêta-lactamase. Ouais. C'est exactement ça. Donc à ce moment-là, on en est là, et donc on trouve une autre solution. En fait, on crée un leurre à bêta-lactamase pour ces bactéries gram moins. En fait, on ajoute une petite molécule avec la pénicilline A, qui a beaucoup d'affinité pour la bêta-lactamase, donc l'enzyme de destruction, ce qui permet de faire que cette enzyme va s'occuper de la petite molécule plutôt que de la vraie pénicilline. Et donc la pénicilline A peut aller faire son boulot tranquillement en bloquant les PLP, et on a gagné, on a réussi notre coup. Donc c'est vraiment comme ça que ça marche. Oui, exactement. Ouais. Ouais, c'est fascinant. Ouais. Alors, c'est quoi cette molécule? Alors cette molécule, c'est l'acide clavulanique, donc c'est très connu. C'est sorti au début des années 80, c'est l'augmentin en fait. Ça s'appelle l'augmentin, c'est son nom commercial. C'est un inhibiteur de bêta-lactamase avec une pénicilline A. En fait, augmentin, ça s'appelle augmentin parce que c'est comme du clamoxyl. Le clamoxyl, c'est l'amoxicilline ou la pénicilline A, auquel on rajoute l'acide clavulanique, qui est un inhibiteur de bêta-lactamase et donc qui va augmenter son effet, qui va l'améliorer. Donc voilà pour la petite histoire. Grâce à l'augmentin, les pénicillines A retrouvent son activité sur les bactéries gram-négatives et positives. Donc voilà. Ouais, c'est fort ça. Excellent. Donc ouais, en Suisse, on appelle ça augmentine. C'est rigolo, mais enfin c'est le même. Ah, ouais. Ça contient de l'acide. Ouais, mais l'augmentin, c'est vraiment universel. Hein. Ouais. Et puis donc ça, c'est une stratégie qui marche toujours. Ça, c'est une stratégie qui marche toujours. En fait, l'augmentin, je vous dis, on l'avait trouvé en 1980. Ouais. Et depuis, c'est toujours l'antibiotique numéro 1 utilisé quoi, hein, dans la vie de tous les jours, quoi, je veux dire. Mais parce que en fait, le problème avec ces antibiotiques, c'est l'émergence de résistance. Ouais. Là, on en parle beaucoup dans la presse, et ça fait que souvent, il y a des molécules dont on peut plus se servir parce que il y a des résistances. Donc, qu'en est-il vraiment de cette histoire? Souvent, on entend parler d'études alarmistes sur l'évolution des résistances aux antibiotiques. Et grosso modo, il faut bien dire ce qui est, ça représenterait un travail monstre d'en faire le bilan, donc je ne l'ai pas fait, j'ai juste pris quelques points pour faire le bilan. Cependant, on peut dire avec pas mal de certitude, je pense que globalement, le pourcentage de bactéries isolées, donc des prélèvements, le sang, etc., à chaque fois qu'on envoie des bactéries au laboratoire, le pourcentage de bactéries résistantes aux antibiotiques parmi elles, il augmente assez lentement, inexorablement. En fait, non, pas inexorablement, parce qu'on s'est aperçu, par contre, et ça c'est une certitude, que les politiques de santé publique qui sont destinées à faire baisser les résistances sont généralement utiles. Lorsqu'on arrête d'utiliser une molécule à tout bout de champ, le pourcentage de résistance diminue au sein de la population bactérienne. C'est ce qui s'est passé là pendant les années 2000 avec la campagne de prévention en France pour la diminution de l'utilisation des antibiotiques dans les angines, notamment, eh bien, on s'est aperçu que ça avait fait baisser le pourcentage de résistance de certaines bactéries, notamment impliquées dans les angines, de faire baisser donc le pourcentage de résistance chez ces bactéries-là. Mais alors pourquoi? Pourquoi est-ce que les résistances apparaissent? En fait, la réponse, elle est très simple, elle réside dans la sélection naturelle. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin, on en parle beaucoup sur Podcast Science, mais finalement, la sélection naturelle, c'est trois principes. Variation, adaptation et hérédité. Donc, alors ici, la variation, c'est la présence au sein de la population d'un mécanisme de résistance. Certaines bactéries ont ce mécanisme de résistance, d'autres ne l'ont pas. Ensuite, on a l'adaptation. Donc, l'adaptation, c'est que la variation permet, dans des conditions données, d'augmenter à un individu ses chances de se reproduire. Donc ici, le mécanisme de résistance, dans un milieu où il y a beaucoup d'antibiotiques, il va augmenter les chances de se reproduire pour la bactérie qu'il possède. Alors que celle qui ne l'a pas va risquer de mourir sans se reproduire. Et enfin, troisième principe, l'hérédité. Donc, la bactérie transmet ce gène à celles qui descendent d'elle. Et la fréquence du gène de résistance augmente donc au sein de la population bactérienne. Donc ça, voilà, c'est la réponse à la question pourquoi est-ce que les résistances augmentent? C'est tout simple, en fait, c'est la sélection naturelle. Mais pourquoi est-ce que les résistances diminuent quand on arrête de servir un antibiotique? Ben, en fait, c'est tout simple, c'est qu'à contrario, dans un environnement où l'antibiotique n'est pas présent, posséder le gène de résistance n'apporte aucun avantage sélectif. Voire, c'est un désavantage, parce que la bactérie va être obligée va produire une enzyme qui sert à rien, et donc ça va lui coûter de l'énergie, et ça va pas lui rendre service. Donc le taux de résistance va redescendre en l'absence d'antibiotiques. Ce mécanisme est aussi responsable de ce qu'on appelle l'effet barrière de la flore commensale. L'un des avantages à héberger gracieusement toutes les bactéries de la flore commensale, c'est-à-dire des bactéries non pathogènes, c'est qu'elles vont nous protéger contre les bactéries qui seront éventuellement plus virulentes et éventuellement résistantes aux antibiotiques, en les empêchant tout simplement d'occuper le terrain et en les soumettant à la sélection naturelle. Parce qu'en fait, empiler les enzymes de résistance va pas constituer, enfin, disons qu'une bactérie qui possède un mécanisme de résistance contre tous les antibiotiques, elle va avoir un gros désavantage pour s'imposer au milieu des bactéries qui n'ont aucun facteur de résistance s'il n'y a pas d'antibiotiques en présence, parce qu'elle aura plein d'enzymes à produire qui lui serviront à rien. Et donc, tant que la population bactérienne ne sera pas au contact des antibiotiques en question, la bactérie qui possède la résistance n'est pas avantagée, elle est au contraire désavantagée, donc elle va avoir tendance à s'éteindre. Et voilà pourquoi, donc, quand on utilise moins ou à bon escient une molécule antibiotique, les bactéries qui possèdent les enzymes de résistance à cette bactérie vont voir leur nombre progressivement diminuer. Et donc, en fait, on se sert de la guerre qu'il y a entre les bactéries entre elles pour préserver nos armes, les antibiotiques. Ouais, c'est super intéressant. Pour mieux régner, en fait. Super intéressant. Ok, merci. Moi, ça me passionne. Donc la bactérie ne doit pas lutter que contre l'antibiotique, elle doit aussi lutter contre toutes les... Les résistances ne sont pas du tout une fatalité. Elles sont une fatalité dans la mesure où on est toujours en train de s'occuper... On ne peut pas s'empêcher de... Enfin, on ne peut pas s'arrêter d'utiliser les antibiotiques, mais si on s'arrêtait, en quelques années, il n'y aura plus de résistance. Ouais. Non, c'est vachement intéressant, parce que c'est vrai que c'est pas comme ça que c'est présenté dans la presse, quoi. Comme tu disais en intro, c'est souvent alarmiste. Ouais, on présente ce phénomène de résistance comme la fin de l'efficacité des antibiotiques, en annonçant qu'un jour on n'aura plus rien pour se soigner, ce sera le retour au Moyen-Âge. Mais non, alors là, tu casses de nouveau un bon paquet d'idées reçues, c'est super intéressant. Bah ouais, en fait, je vais revenir là-dessus parce que c'est quand même vrai que les résistances augmentent parce qu'on continue à se servir des molécules. Ouais. Mais c'est pas si grave que ça, en fait, je trouve. Mais bon, c'est pas un avis vraiment scientifique. Ce qui est scientifique et ce qui est certain, c'est que si on s'arrête d'utiliser les molécules, les résistances retombent. Ça, c'est certain. Après, la gravité de la situation, ça, pour l'apprécier, je pense que c'est pas forcément de mon ressort. Ouais, bien sûr. Et je pense que c'est du ressort de personne, en fait. Mais voilà, pour le mythe, c'est vrai que c'est pas inéluctable, quoi, la progression des bactéries, des résistances. Ok. Donc les deux règles qui émergent de ça, c'est que, un, en utilisant le moins possible une molécule antibiotique, on diminue la fréquence des mutants résistants, donc ça c'est première chose. Et deuxième chose importante à souligner, c'est que les mécanismes de résistance émergent plus facilement lorsque les populations sont soumises à des doses faibles d'antibiotiques et pendant des courtes durées. De cette manière, la résistance peut émerger progressivement, parce que les bactéries ont le temps, entre guillemets, de trouver des mécanismes qui fonctionnent. Alors qu'au contraire, si on soumet directement à une population à une grosse dose d'antibiotiques pendant une longue durée, toutes les bactéries vont casser leur pipe et personne ne va résister. Et donc c'est pour ça qu'il est important de poursuivre les traitements jusqu'au bout, même si on va mieux, en fait. Quand on a un médicament, il faut bien le prendre toute la durée pour laquelle il nous a été prescrit, enfin un antibiotique. C'est pour empêcher les bactéries qui auraient trouvé une résistance sur la fin, sur le tard, en résistant au dernier moment, il faut vraiment que toutes les bactéries meurent pour être sûr d'avoir éliminé toutes les formes de résistance à l'antibiotique. Donc, à propos de l'apparition de ces résistances, il y a aussi un truc dont je voulais vous parler, c'est les antibiotiques d'élevage. Et c'est un peu une des raisons pour lesquelles ce que je viens de dire, en fait, c'est ça fait les antibiotiques d'élevage, ça fait beaucoup grincer des dents. Parce que si on refuse à une maman les antibiotiques pour son enfant quand son enfant est malade, il est évident que la maman, elle va pas comprendre pourquoi, comment est-ce qu'on va pouvoir distribuer des antibiotiques à des tonnes d'animaux comme ça, alors qu'on les refuse à son enfant. Et quelque part, il y a une certaine logique. Ouais, effectivement, surtout qu'on s'en sert comme accélérateur de croissance chez les animaux. C'est même pas pour les soigner. Enfin, c'est vrai, ouais. Ouais. Mais c'est interdit maintenant en Europe, on n'a plus le droit de s'en servir comme accélérateur de croissance. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ils le font. L'utilisation des antibiotiques est, ouais. En fait, parce qu'en tuant les bactéries de la flore commensale, les bactéries intestinales, en fait, en donnant des antibiotiques, on va augmenter l'absorption des nutriments par les animaux, et donc, en fait, on va avoir besoin de leur donner moins de nourriture, parce que les bactéries auront pas, il n'y aura pas d'intermédiaire avec les bactéries, et ça coûtera moins cher en nourriture, quoi, du coup. Donc, ouais, effectivement, aux États-Unis, ils font ça. Mais en Europe, chez nous, les règles sont un peu plus strictes. Donc, on n'utilise pas les antibiotiques comme facteur de croissance, et on n'utilise pas les mêmes antibiotiques, jamais les mêmes antibiotiques qu'on donne aux humains, on donne jamais les mêmes aux animaux. En fait, de cette manière, on est sûr que vu qu'en plus les bactéries qui infectent l'homme et les animaux ne sont pas toujours les mêmes, et que les antibiotiques ne sont pas les mêmes du tout, donc ça c'est interdit, en fait on limite de cette manière l'impact sur l'évolution des résistances. Mais ces mesures sont insuffisantes, et en fait on a montré que les résistances développées par les bactéries d'animaux d'élevage pouvaient, par différents mécanismes, augmenter la résistance des bactéries humaines aux antibiotiques. Donc la question est loin d'être résolue. Mais disons qu'on a fait des progrès dans la réglementation en Europe par rapport aux États-Unis. Au début, il faut bien commencer quelque part. Ouais, exactement. Donc voilà, donc la tendance globale actuellement, elle reste à l'augmentation des résistances. Mais alors, ce qu'on peut dire sur l'augmentation de ces résistances, c'est qu'elle est lente. Déjà, c'est 1 ou 2%. Par exemple, s'il y a 20% de bactéries qui sont résistantes à une molécule, disons que ce pourcentage va augmenter de 1 à 2% par an. Donc c'est relativement lent. Et d'autre part, il faut savoir aussi que c'est plus ou moins contrôlé, en fait. L'une des stratégies qu'on va utiliser à l'échelon public pour lutter contre les bactéries, pour l'émergence des résistances chez les bactéries, ça va être d'user, entre guillemets, toujours les mêmes molécules. En fait, les recommandations qu'on donne aux médecins, c'est d'utiliser toujours les molécules les plus simples et les moins évoluées pour soigner leurs malades, en fait. De cette manière, en fait, les résistances, elles vont éventuellement progresser, mais ce sera toujours sur les molécules les plus simples dont on dispose. Et, entre guillemets, ça va pas trop nous poser de problème, car on fera exprès de se garder sous le coude des molécules plus complexes, plus évoluées, dont on se sert jamais, et qui vont avoir, elles, une efficacité très importante sur les germes qui deviendraient trop gênants dans des cas graves. Donc en fait, la plupart du temps, on va pas avoir besoin d'aller jusque ces molécules-là qui sont très efficaces, car l'immunité naturelle et les antibiotiques de première ligne vont suffire à venir au bout de la bactérie. Et en fait, comme ça, les résistances n'apparaissent que sur des molécules de première ligne, on va dire. Donc l'exemple parfait, c'est celui des carbapénèmes. Donc en fait, les carbapénèmes, c'est une famille de molécules dont les résistances sont rarissimes en France. Il n'y a jamais quasiment eu de résistance à cette molécule en France. Les seuls moments où on va avoir des résistances, c'est sur des bactéries d'importation, sur des cas d'importation. C'est des bactéries qui viendront d'autres pays, souvent un petit peu moins développés économiquement. Et chez eux, ils vont utiliser le médicament un petit peu sans politique globale. Et donc, ça va permettre l'apparition de résistance. Et donc, ça n'arrive pas en France quand on se sert bien de la molécule. Donc, ces carbapénèmes, c'est quand on a parlé beaucoup récemment là des bactéries super résistantes venues d'Inde, Escherichia coli, super résistantes, je sais pas si vous vous en rappelez. Enfin, ça avait fait un peu de bruit. C'était pas celle qui contaminait les graines bio, mais c'était une autre dont on a parlé après. Donc on disait qu'elle était super résistante parce qu'en fait elle résistait au carbapénème, et que ça en France on ne voit jamais, mais elle venait d'Inde en fait, et donc voilà, ça nous faisait peur, mais en fait c'est pas très grave quoi. Parce que c'est juste une souche et bon. Voilà. Ok. Alors, je mettrai un lien vers un papier du journal du Clinical Infectious Disease Oxford Journal, donc sur l'état des lieux, en fait, des molécules antibiotiques dont on se sert, et sur les bactéries, sur les résistances. En fait, c'est un rapport qui présente une liste des bactéries qui risquent de poser des problèmes dans les années à venir, en résistant à nos antibiotiques les plus performants. Parmi elles, il y a le SARM, dont je vous parlais tout à l'heure, le Staphylococcus aureus, résistant à la méticilline. Il avait surpris tout le monde, vous vous souvenez, en devenant résistant à la trouvaille des chimistes, les pénicillines M, pour bloquer ses bêta-lactamases. Eh bien, en fait, ce SARM-là, il nous donne encore du fil à retordre. Mais bref, en fait, ce rapport nous permet de comprendre le nœud du problème, qui est avant tout économique. En fait, le problème, c'est que les antibiotiques dont nous disposons, et je vous ai décrit qu'un tout petit bout de la principale famille, les pénicillines, ils suffisent largement à traiter la plupart des bactéries du commun des mortels. Et en fait, dans ce cas de figure-là, le problème est statistique. C'est-à-dire que tant que nos antibiotiques suffiront à combattre l'immense majorité des bactéries, comme c'est le cas actuellement, les grands laboratoires n'auront aucun intérêt à développer des nouvelles molécules qui coûtent très cher en recherche et en développement, et qui finalement ne rapportent pas grand-chose, puisque la politique serait de s'en servir le moins possible. Parce que la politique serait de préserver l'apparition de résistance, et donc de ne pas prescrire justement ces molécules, de ne les prescrire que dans les cas rares où des bactéries super résistantes apparaîtraient. Donc en fait, on voit bien que le modèle économique de ces molécules-là ne serait pas viable du tout pour les gros laboratoires. Et donc les molécules en cours de développement actuellement sont de plus en plus rares, parce que on sait très bien que ça ne rapporterait pas assez au laboratoire. Et c'est la raison pour laquelle les médecins ne cessent de tirer la sonnette d'alarme pour inciter les laboratoires à développer de nouvelles molécules. Ils veulent en fait attirer l'attention sur le fait qu'on va manquer de molécules, ce qui est entre guillemets vrai, mais qu'en fait on manque surtout de molécules pour les cas rares où on a affaire à des bactéries super résistantes. Mais en fait, dans les cas les plus fréquents, on n'a pas de problème, et c'est ça qui intéresse les labos, c'est les cas les plus fréquents en fait. Donc évidemment, les souches nosocomiales constamment confrontées à des antibiotiques dans les unités de soins intensifs, elles finissent par empiler les mécanismes de résistance, et il arrive même que des souches deviennent ce qu'on appelle totorésistantes, c'est-à-dire résistantes à tout, mais en fait les laboratoires, ils ne développent pas des nouvelles molécules pour ces cas sporadiques, comme je vous disais. C'est un peu cynique, mais je pense que c'est ça la réponse, enfin le nœud du problème. Une des solutions proposées, ce serait de permettre aux laboratoires de faire entrer le coût de la recherche dans le prix des médicaments qu'ils commercialisent. Là, dans ce cas-là, ils pourraient sortir des nouvelles molécules qui coûteraient très très cher parce qu'ils ne les vendraient pas souvent et qu'ils impacteraient le prix de la recherche sur le coût des molécules. Mais alors, dans ces cas-là, il faut savoir que le prix des boîtes pourrait atteindre plusieurs milliers de dollars. Et souvent, quand on se sert de ces molécules-là, c'est pour des patients qui sont déjà très mal en point. Donc, pour les systèmes de sécu, etc., ce serait relativement dur à gérer, pour finalement un gain en espérance de vie qui serait même pas énorme. Donc voilà. Donc pour finir et pour conclure, je vous dirais que pour le Staphylococcus aureus résistant à la méticilline, finalement, pour s'en débarrasser, on utilise un antibiotique qui s'appelle la vancomycine, et cet antibiotique existe depuis 1956, donc il est très très vieux, et il marche encore aujourd'hui, et qu'en plus, donc cette vancomycine dont on sert pour combattre le Staphylococcus aureus résistant à la méticilline, c'est une molécule dont on se sert également dans l'élevage en utilisation intensive. Voilà, alors, voilà. J'ai eu une coupure de mon côté. Qu'est-ce que tu as dit au sujet de la vancomycine, la dernière phrase, tu as dit la vancomycine dont on se sert pour traiter le staphylococcus. Ouais. En plus, cette molécule-là, on s'en sert massivement dans l'élevage pour les animaux, donc, mais elle continue de marcher malgré ça, quoi, depuis 1956. D'accord. Mais j'ai vu que... il y a des souches de Staphylococcus aureus qui ont développé une résistance à la vancomycine aussi, qui était pourtant le dernier espoir. Oui, c'est vrai. Mais ces souches-là sont rares, donc on l'appelle le Staphylococcus aureus résistant à la vancomycine, donc RV à la fin. Et en fait, ces souches-là sont rares. Et en fait, l'avantage, c'est que actuellement, il n'y a jamais à la fois résistance à la vancomycine et résistance à la méticilline, soit l'un, soit l'autre. Et en fait, du coup, dans ce cas-là, on peut utiliser la méticilline quand il est résistant à la vancomycine et la vancomycine quand il est résistant à la méticilline. Mais il est tout à fait possible, effectivement, que un staphylococcus ait les deux résistances. Même si c'est pas encore arrivé. Mais là, encore une fois, le problème, en fait, des statistiques, c'est vrai que dans ce cas-là, on serait coincé. Mais ça va arriver, enfin, dans très rares cas. Et finalement, c'est une question de société, en fait. Si on voulait encore développer des molécules, on finirait toujours par être acculé à un moment donné à une bactérie dans un cas donné qui aurait toutes les résistances. Mais, ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je vois, ouais. Ok. Là, donc, tu nous as dit tout ce que tu avais à dire. On peut discuter. D'accord, Ouais, bien sûr, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ouais. Je sais pas si ok. c'est trop long ou trop bref. Non, ouais. Mais Non, en fait, non, j'ai fini écoute, moi. c'était long, mais c'est devenu très agréable à écouter à partir du moment où il n'y avait plus les coupures. Ah ouais, Donc, je suis ouais, désolé. bien. Bien. On a eu un certain nombre de rectifications, on t'a pas interrompu à chaque fois, mais de la part de Pierre, c'était notamment au début du dossier, donc Pierre Kerner, au début du dossier quand tu présentais nos différents prédateurs. Ouais. Je sais pas, Hélène, t'as réussi à tout noter, tu veux en dire un mot? Ouais, j'en ai noté une partie, je vais retrouver l'autre. D'accord, j'en ai Alors, noté aussi, à deux, alors, on tout devrait y arriver. d'abord, pour les animaux unicellulaires qui n'existent pas, c'est en fait leur nom c'est apicomplexé. Et donc en fait c'est plus proche des plantes vertes que des animaux. Donc c'est voilà, c'est des êtres unicellulaires. Et Oui, donc mais ouais, enfin, je vais pas faire un débat, mais il n'y a pas que les apicomplexés dans les unicellulaires, il y en a plein d'autres. Bah, qui font du parasitisme, c'est essentiellement ceux-là en fait. Il y en a d'autres, Ouais. mais Oui, et c'est donc ça, plein d'autres, ouais. pour en revenir sur le parasitisme, en fait, parasite, c'est pas vraiment une classe de d'espèce, Non, c'est une ouais, j'ai un stratégie. raccourci, ouais. Voilà, c'est bon, c'est tout à fait vrai. Par En exemple, fait, en le fait. parasitisme, c'est un mode de vie, enfin un mode de, comment on appelle ça, de nourriture. Et en fait, la différence entre la prédation et le parasitisme, elle est, enfin, je sais pas si c'est là-dessus que Pierre voulait venir, mais la principale différence entre la prédation et le parasitisme, c'est la mise à mort de la victime, entre guillemets. Enfin, ce que j'en ai trouvé. C'est qu'en fait, le Après, parasite ne met pas à mort sa en victime, alors fait, que le prédateur la met à mort. enfin, moi, je pense que la vision de Pierre Kermer se rejoint là-dessus. C'est plus sur le continuum des symbioses, en fait. C'est-à-dire que enfin, deux espèces qui vivent ensemble et l'une va tirer plus d'avantages que l'autre. Ou Oui. ça va s'équilibrer, ou Oui, c'est ça, les ouais, deux tout à fait. retirent de. Enfin bon, ça c'est après. C'est plus En fait, comme il y a ça. trois, j'ai pas le mot, mais il y a saprophyte, symbiotique et parasite. Et le saprophytisme, c'est quand l'espèce est indépendante et elle se nourrit toute seule. Quand elle est symbiotique, c'est que elle va s'associer avec une autre espèce et elles vont toutes les deux bénéficier de cette association. Et le parasitisme, en fait, c'est quand il y en a une qui va profiter de l'association et l'autre qui va pas en profiter. Et dans ces cas-là, la prédation, en fait, est un mode de parasitisme où, dans le cas de la prédation, celui qui profite pas est carrément mis à mort, en fait, par le parasite prédateur, quoi. Ouais, enfin, je Voilà. pense que la Ok, bon, prédation parasite. on va pas entamer un débat là-dessus. Par L'idée, c'était juste de contre, corriger, donc de préciser que le ouais, parasitisme, c'est juste une stratégie comme mais la du symbiose, la coup, prédation, etc. la plupart des, enfin, nos prédateurs présentés par Franck rentrent tous en fait dans du parasitisme. Ouais. Ah oui, d'accord, je comprends ce que tu veux. Ah oui, d'accord, ok. En fait, oui, enfin, moi, quand j'ai défini la catégorie de parasite, en fait, c'était pas du tout vrai, en fait. Ouais, d'accord. Je comprends. J'ai compris, ok. Voilà, c'est En fait, effectivement. tout ce que j'ai dit sont des parasites, ouais. D'accord. Absolument. Voilà. D'accord. Mais alors, dans Il ce nous a cas-là, dit encore que c'est vrai les que moi, j'appelais parasites. apicomplexes. Oui, pardon, Oui, voilà, on vas-y. pourrait les appeler les apicomplexés ou. Mais en fait, il y a les vers aussi. Donc, en fait, moi, ce que je voulais dire, c'était les animaux. Mais alors, puisque les apicomplexés ne sont pas des animaux, elle n'a pas de nom, cette catégorie. Voilà. Ouais, et puis les apicomplexés, dont l'agent du paludisme, justement, nous a dit Pierre, sont plus proches des plantes vertes que des animaux. Et l'agent de la Ouais. Mais toxoplasmose est disons dans la également un classification. apicomplexé. Alors en fait, oui, je sais ce qu'on pourrait dire pour remplacer parasite, on pourrait dire les eucaryotes en fait. Voilà. Ouh, alors Alors c'est les justement. champignons. Justement. Alors attention, c'est là que ça commence. C'est On là où va sortir la grosse les. règle là. Donc Franck, tu es prié de réviser ta classification Alors attends, de l'être il faut pas vivant. enjoliver, là on va lire tel quel le message de Pierre, hein, qui a dû nous quitter d'ailleurs, il est plus avec nous là, chatroom. Il a dit fouettez Franck pour ses blasphèmes, hein, notamment sur la dichotomie procaryote eucaryote. Rappelez-lui les trois grandes lignées du vivant, E bactéries, eucaryotes et Ah oui, archées. ouais. Et c'est lui le J'ai primitif. dit Bon mais ça tout tu l'as le cherché. vivant peut se ranger. J'ai dit tout le vivant peut se ranger dans les procaryotes, eucaryotes? Non, j'ai pas dit ça. Si. Écoute, t'as Non, dit je sais quelque que c'est chose pas qui vrai. Il y a ressemblait un les. peu à ça. Bon, d'accord. Ben, je m'en excuse si je l'ai dit, mais d'accord. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les archers, effectivement. Ouais. Ok. Bon, c'est bien. Comme punition, on t'écoutera les trois épisodes qu'on avait fait avec Pierre Kerner, justement, ouais. Sur l'arbre du vivant, 49, 50 et 51. Non, non, mais je le savais, mais j'ai dû fourcher, effectivement. Ok. Ok. Sinon, on a Georges, notre ami Georges Mackey, dans la chatroom, qui demande quid des effets secondaires des antibiotiques sur l'humain. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Quid des effets secondaires? Qu'est-ce qu'il veut dire? Non. Les effets secondaires sont globalement assez faibles. Ah si, ce qu'on peut dire sur les effets secondaires, c'est qu'en fait, c'est les effets secondaires qui nous empêchent d'augmenter les doses, en fait. Parce qu'une des solutions qu'on pourrait avoir pour annuler les résistances, ce serait d'augmenter les doses. Mais en fait, oui, justement, on ne peut pas les augmenter indéfiniment parce que en augmentant les doses, on augmente les effets secondaires et au bout d'un moment, ça devient dangereux. D'accord. Mais à part ça, oui, c'est tout, ouais. Et puis les effets secondaires, en fait, ils sont liés à la comment t'appelles ça, la flore commensale, c'est ça? La flore commensale, ouais. Ouais. Non, justement, enfin. Qu'est-ce que si il y a dans le cas des oui d'accord je vois ce que tu veux dire c'est dans le cas des diarrhées induites par les diarrhées induites par les ouais antibiotiques par exemple ouais dans ces ah. cas-là c'est qu'en fait on déstabilise avec les antibiotiques la flore commensale et donc on déclenche des diarrhées en fait parce que la flore commensale est responsable de l'équilibre un peu du trafic intestinal du transit intestinal d'accord donc risque de déshydratation etc voilà exactement Georges précise qu'il pensait aux allergies. En particulier oui, au Clamoxyl. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais c'est exactement ça qui me fait marrer, parce que ça me fait réviser mes cours. Oui, l'un des effets indésirables principaux, c'est les allergies, ouais, tout à fait. Et alors, quand on est allergique, on se soigne comment? Allergique au Clamoxyl. Eh ben, on passe à une molécule de classe supérieure, parce qu'effectivement, dans ce cas-là, on est un peu coincé, ouais. D'accord. Donc, par exemple, on a les céphalosporines, où on a des allergies. Généralement, quand tu es allergique aux pénicillines, tu peux ne pas être allergique, par exemple, aux céphalosporines, qui se ressemblent beaucoup avec les pénicillines. Et si tu es allergique aux deux, pénicilline plus céphalosporine, là, on passe à complètement autre chose et on trouve toujours, il y en a plein des molécules. On trouve toujours. D'accord, jusqu'à ce que tu entres dans une catégorie statistiquement peu représentative, et puis même si tu es quelqu'un voilà. de très intéressant, les pharma te laissent tomber, t'as qu'à crever. Mais pourquoi t'es allergique à tout? Ouais, d'abord. Ouais, non, mais je dis pas que c'est bien, mais je veux juste dire que les laboratoires peuvent pas, enfin, économiquement, ils sont effectivement limités dans leur. Ils sont obligés de faire des choses qu'ils vont vendre, quoi. Ouais, non, bien sûr. Après, bien c'est sûr. Tout le problème de la santé, santé publique versus santé plus personnelle, quoi. Individuelle. Ouais, mmh. Individuelle, c'est ça. Ouais, non, mais tout à fait. Ouais. Mais là, c'est comme les derniers traitements à base de cellules souches, etc. Des technologies hyper poussées. C'est par exemple, je pensais à Provenge, le vaccin. Enfin, c'est un truc super, super, un truc de thérapie cellulaire super poussé aux États-Unis qui a été commercialisé. Ça coûte, je sais plus combien de milliers de dollars par mois, et ça fait gagner quelques mois d'espérance de vie. Enfin, il y a un moment donné, on peut plus. Enfin, il faut réfléchir à est-ce que ça vaut le coup finalement. Ouais, c'est des grandes questions d'éthique, tout ça. Alors, j'ai pas ouais. entendu malheureusement l'exemple que tu viens de donner parce que j'ai eu une coupure chez moi, mais j'ai vu que la petite pastille était allumée, donc ce sera sur le podcast, je réécouterai. je vais pas te demander ouais, de le répéter. Provenge, en fait, c'est un vaccin où on prend des cellules d'un patient, on l'immunise contre le cancer du patient et on les réinjecte au patient, comme ça, ses propres d'accord. cellules vont attaquer les cellules cancéreuses du patient. Ok. Voilà. Ouais, bon, ben, je suppose que ça fait avancer la recherche. Mais c'est vrai que l'exemple que tu donnais tout à l'heure, c'est si les labos pouvaient pratiquer, enfin pouvaient reporter le vrai coût des recherches sur les médicaments qui sont commercialisés, et puis qu'on se retrouve avec des médicaments de la dernière chance qui coûteraient, je sais pas moi, des dizaines, enfin ouais, ouais. une boîte à une dizaine de milliers d'euros. Là aussi, Ouais, c'est une énorme question d'éthique qui est pas prête. Disons qu'elle serait pas remboursée là, c'est sûr. Ouais. Ouais. Bon, Georges nous dit, bref, vivons heureux en attendant la mort. J'ai déjà entendu ça chez des proches, il me semble. C'est voilà, c'est vrai que c'est tout ce qu'on a à faire. Ouais. Je voulais faire une remarque. quand tu t'expliques comment on lutte contre les résistances aux antibiotiques. Moi, j'avais vu le même genre de proposition pour lutter contre les résistances aux pesticides et aux OGM porteurs de pesticides, en fait. Au lieu de semer dans tous les champs des semences qui portent les pesticides, en fait, hein, qui produisent, bah, avec des plantes qui produisent directement les pesticides, il faudrait qu'il y ait des champs où il y ait des semences normales pour que justement enfin, les insectes puissent vivre à un endroit, quoi, pour pas être trop, pas avoir trop de pression. Mis à la pression de sélection par rapport à la. S'il n'y avait que des plantes qui produisent des insecticides, ils seraient soumis à la pression de sélection et ils muteraient tous parce qu'ils n'auraient pas de. Parce qu'ils ont pas, Pas de enfin, d'autres entre solutions, guillemets, quoi. pas le choix, quoi. Enfin, disons que les seuls Voilà, ouais, qui c'est ça. survivent, c'est ceux-là. Ouais. Ouais, Donc c'est la voilà, même idée, exactement, ouais. C'est exactement la même idée. donc C'est qu'il voilà, faut. c'est Faut laisser une, il faut laisser les, il faut laisser les bactéries tranquilles pour servir les antibiotiques quand c'est vraiment utile. Ouais, c'est ça. Et Georges rajoute que plein de plantes produisent des pesticides sans OGM, mais là, dans ce que je présentais comme exemple, c'était vraiment dans le cas des OGM, hein. Puisque à ce moment-là, c'est nous qui apportons en fait le gène producteur de pesticides, et donc on est beaucoup plus, enfin, on a plus de contrôle justement sur où on met les plantes résistantes et enfin qui Ouais. produisent les pesticides et pas. Voilà. Ok. Écoutez, je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui sur ce dossier. Franck, merci infiniment. C'était vraiment passionnant. Ok, merci. Alors, pour enchaîner, on a déjà dépassé l'heure d'émission. Maintenant qu'on sait où est le bouton, on a rallongé la durée, l'air de rien, comme ça, mais on va pas exagérer non plus. Nico, si Oui, tu es toujours avec nous, ah, tu es toujours je avec suis nous, c'est là. magnifique. Tu vas nous parler de ton dossier de la semaine prochaine. Tout à fait. Ok, tu es prêt avec ton pitch? Ouais, alors ça va être un pitch un peu spécial, hein, comme on parle d'une rockstar la semaine prochaine, j'ai pas fait une présentation très explicite. Ok, Donc mais d'accord, ta minute démarre maintenant. voilà. Et donc je vais vous réciter un petit PM. Que j'aime à faire apprendre un nombre utile sage. Glorieux Archimède, artiste, ingénieur, toi de qui Syracuse aime encore la gloire, soit ton nom conservé par de savants grimoires. Jadis, mystérieux, un problème bloquait tout l'admirable procédé, l'œuvre grandiose de Pythagore découvrie aux anciens Grecs. Ô quadrature, vieux tourment du philosophe, insoluble rondeur, trop longtemps vous avez défié Pythagore et ses imitateurs. Comment intégrer l'espace circulaire? Former un triangle auquel il équivaudra? Nouvelle invention. Archimède inscrira dedans un hexagone, appréciera son aire en fonction du rayon. Patron ne s'y tiendra, dédoublera chaque élément antérieur, toujours de l'orbe calculé approchera, définira la limite, enfin l'arc. Le limiteur de cet inquiétant cercle, ennemi trop rebelle. Professeur, enseigné, sont de deviner le sujet de la semaine prochaine. Je vous invite à compter les lettres des différents mots de ce poème. Alors attends, là soit t'as pété une durite, soit il y a une subtilité qu'il faut que tu nous expliques. Alors, la subtilité, c'est que donc le sujet de la semaine prochaine, c'est Pi, en l'honneur du jour de Pi, et ça, c'est un exercice de style, c'est-à-dire c'est un PM, alors qu'il n'a pas d'auteur, hein, j'ai pas trouvé son auteur sur Internet. Ça veut dire que si on prend tous les mots un par un, ça suit les décimales de Pi. Donc le premier mot fait trois lettres, le deuxième mot une lettre, c'était un J apostrophe, le troisième mot quatre lettres, etc. Et on a toutes les décimales de. On a les premières décimales de Pi. Et je me suis dit que Ok, c'était une manière amusante magnifique. de présenter le dossier de la semaine prochaine. Et t'appelles ça un PM. Ouais, c'est comme ça que c'est appelé a priori par plusieurs personnes. Bon, on en apprend tous les jours. C'est pas mal, je connaissais pas Heureux de le. pas mourir idiot. D'accord, donc en résumé, la semaine prochaine, ce sera donc le 14 mars. C'est ça. 14 mars, si on écrit la date à l'américaine, ça fait 3-14, et c'est le jour de Pi. C'est le jour de Pi, voilà. Voilà, et pour cette occasion-là, donc tu nous as monté un dossier sur Pi. C'est ça, tout à fait. Pour le jour de Pi, un dossier sur Pi, donc on verra ce que c'est Pi, pourquoi c'est un nombre un peu intéressant, important, et puis comment on fête le jour de Pi aussi. Ah ouais, parce qu'il y a toutes sortes de traditions pour le jour de Pi. Ah oui, ben dans les traditions, pour teaser un peu, j'ai appris que le MIT annonçait les résultats de je ne sais plus quel examen le jour de Pi à l'heure de Pi, c'est-à-dire à 3h14. D'accord, ok. Comme quoi. On doit faire quelque chose de particulier Ben, pour se des apple préparer au pie, jour de Pi. quoi. Des apple pie, des apple pie, ouais, c'est Ouais. les tartes aux pommes. Ok. Bon, bah Donc écoute, voilà. le rendez-vous est pris. Moi, je suis tout teasé, tout titillé. Je me réjouis beaucoup. Alors, il y Ça aura sera plus de maths génial. que de PM, mais bon, c'était une manière comme une autre de teaser la chose. Magnifique. Alors, bon, là, je suis censé passer le jingle du gong, mais j'ai pas pu parce que je suis sous Lion. Ça parlera aux utilisateurs de Mac. J'ai eu le malheur de faire le mauvais mouvement avec deux doigts et puis toute mon interface a disparu. Bon, mais tant pis, Hélène, fais-nous le gong. Voilà. Ah non, je suis de retour. Attends, c'est bon, c'est bon. Quand même, on introduit les choses dans les règles de l'art. Alors Hélène, à toi l'honneur. Alors, moi, j'ai donné une quote de Stéphane Jay Gould, tirée de La vie est belle. Pour les spécialistes, l'évolution est une adaptation aux conditions changeantes de l'environnement et non pas un progrès. Et je trouve que ça, justement, ça illustre bien tous les problèmes de résistance et justement, enfin, les résistances aux antibiotiques qui sont dues à l'évolution. Et donc aux conditions changeantes de l'environnement, et pas une nécessité de progrès. Voilà. Ouais, c'est vrai. Voilà une excellente illustration. C'est un super bon exemple que j'avais pas forcément en tête la dernière fois qu'on a parlé sur le podcast, justement de cette idée de progrès qu'on confond avec l'évolution, puis notamment à cause de cette fameuse représentation de la marche du progrès, là, ce truc qui est censé représenter l'évolution, puis qui représente juste. Et qui représente juste des étapes du développement de l'homme en laissant, enfin, de la lignée humaine, en laissant supposer qu'on est à la fin de notre évolution, qu'on est au sommet de quelque chose. Non, c'est vachement bien l'exemple. Elle me parle, cette quote, j'aime bien. Ah, puis moi je peux être que d'accord, hein, Stéphane Jay Gould. La vie est belle, hein, j'ai lu ce livre, c'est le livre sur le site de Burgess en fait, hein, Ouais. et sur la réinterprétation de Burgess. C'est passionnant toute cette histoire. Si les auditeurs ont envie de lire, on les invite. Ouais, donc en plus il y a une présentation un peu des fossiles qui ont été découverts sur le site. Puis il raconte l'histoire un peu de façon un peu théâtrale en plusieurs actes de la première interprétation qu'il y a eu d'abord où on a essayé de classer en fait tous les fossiles dans les phylums que l'on connaissait déjà. Et puis la réinterprétation plus tard où on s'est aperçu qu'en fait il y avait des phylums qui enfin des embranchements en fait qui n'existaient plus aujourd'hui. Et que donc la vie en fait a commencé par une multitude d'embranchements Une qui multitude se de... sont réduits en fait par la suite, quoi. Enfin, une multitude d'embranchements qui existent aujourd'hui, et que certains embranchements en fait ont été sélectionnés très rapidement, et que la vie s'est diversifiée au sein des embranchements restants. D'accord. Voilà, grosso modo. Ok. Et Est-ce Stephen qu'on... Gould, en fait, c'est un vulgarisateur ou c'est un scientifique en tant que tel, enfin, Les deux. il a fait les deux, d'accord, ok. Ouais. Enfin, c'était. Oui. Ouais. Ok. On a Pierre qui nous dit des choses dans la chatroom, mais je suis pas sur le bon écran, j'arrive pas à voir. Là, Hélène, il est revenu donc Pierre. Oui, donc il dit à Marco qu'il faut qu'un jour tu lises aussi sur les malversations de Gould. Donc, sur ses mauvaises manips quant à la quantification du volume crânien chez différentes populations humaines. Je connaissais pas Ah ouais. Ah oui, ces j'avais recherches. entendu ça. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, même les plus grands font des conneries. Effectivement, il Ah faudra qu'on parle de oui. ça une fois. Ouais, personne n'est parfait. Hein. Exactement, ouais. Bon, on dirait que c'était pour la bonne cause, mais enfin, effectivement, il faudra qu'on parle de cette histoire une fois. Sinon, est-ce qu'on avait d'autres quotes? On en a une qui nous a été envoyée par Olivier Tripet, qui est plutôt sympa, mais qui n'est pas tellement en rapport avec le dossier d'aujourd'hui, qui a un très vague rapport avec le dossier de la semaine prochaine, donc je crois qu'on va la garder pour la semaine prochaine. Sinon, Marco, t'avais quelque chose? Nico? Non. Non, bon, alors dans ce cas, je vous propose qu'on en reste là pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Pi, C'est donc, ça. à la même heure, avec Nico. Puis d'ici là, ben, une excellente semaine à toutes et à tous. Ciao, Ciao. Ciao. Ciao.